dernière connexion. Porté par le charme, abîmé par les flammes. Encore tellement de fleuves à franchir, versé par des drames. Rangé dans des cases, donc prêt à voler dans des sacs. Pour finir dans des cages à la place de traîner dans des facs. Porté par le charme, abîmé par les flammes. Encore tellement de fleuves à franchir, versé par des drames. Rangé dans des cases, donc prêt à voler dans des sacs. Pour finir dans des cages à la place de traîner dans des facs. Yeah. Ma tentation reste si grande face à un monde qui désespère. Comment rester serein quand nos actions se transforment en poudrière? La terre une boule de feu où l'homme attise les braises. Que restera-t-il pour nos enfants à part l'espoir de vivre leur rêve? On crève sur tous les continents, le sang ne cesse de déborder. On emprisonne nos sentiments, l'amour de l'âme s'est envolé. L'harmonie, une pierre dans la mare. Ils ont gardé les outils abrutis, je conserve le savoir. Les parloirs sont pleins de souffrance. Ma tête tentée par la monnaie, envie d'ouvrir le tiroir, braquer la recette. C'est euphorique, quel vacarme, c'est le déclic, mon alarme. C'est tragique, ça se poignarde, qu'on évite leur programme. Porté par le charme, abîmé par les flammes. Encore tellement de fleuves à franchir, versé par des drames. Rangé dans des cases, donc prêt à voler dans des sacs. Pour finir dans des cages, à la place de traîner dans des facs. Au pied du mur, endoctriné par la censure, n'aie pas peur, fonce, accoutumé par la défense. Le diable est productif dans tous les choix négatifs. Les forces de l'ordre et l'ordre des hommes pendant les manifs. Une violence à double calife, je balance l'artifice. Comment rester pacifiste dans ce monde si triste? La mort arrive d'un trait tandis que l'amour se fait la mal. La paix, un beau discours de sourd raconté par des mains sales. Peu importe le vice, le diable a tournevis. Tenté par le charme, si le dialogue est une arme, alors faisons couler les larmes accompagnées de réflexion. La réalité d'un cauchemar ou la fiction. Porté par le charme, abîmé par les flammes. Encore tellement de fleuves à franchir, versé par des drames. Rangé dans des cases, donc prêt à voler dans des sacs. Pour finir dans des cages, à la place de traîner dans des facs. Je viendrai héros, oublie d'effort, je n'ai plus le temps d'attendre. Même si la tentation est trop forte, tu dirais non, va-t'en, instinct matinal. C'est machinal quand je kick et en sanguinal. Quand je me pose et que je médite, les fractures encore ouvertes, malgré ces années qui s'effritent, je resterai combattant, secret en parallèle de ma vie. Ce n'est qu'un extrait en bref d'une simple tentative, mauvais cycle. Mais dites-moi où est l'erreur, trop de c'est ainsi. Et ça me fait peur, ils veulent détruire nos mœurs et pervertir nos mots, ma coup le crime, viol, meurtre. Trop tenté par le diable et l'envie d'âme à cette grosse somme. Tenté par le charme, abîmé par les flammes. Encore tellement de fleuves à franchir, versé par des drames. Rangé dans des cases, donc prêt à voler dans des sacs. Pour finir dans des cages, à la place de traîner dans des facs. Rangé dans des cases, danger dans ce bord des flammes. Aller plus haut n'est pas un rêve, mais j'y vole sur le dos de Pégase. Changer n'est plus à l'ordre du jour, même dans les cordes. Je veux pas fuir, dur à cuire, je déborde du four. Tenté par l'amour, mais de l'ordre dans mes pensées. Temps dépassé, il est passé le temps que chantait Aznavour. Je rentre et je prends tout, voilà ce que l'homme veut. Il voit et convoite, conseil, fonce, se trompe et constate. Tout apprendre, on tourne, on se fait les films de gang. Cerveau cramé par les substances, absence de sens. Tous ensemble, on se dit que c'est plus facile en bande. On sourit et subit, puis passe le temps, on se fait plus de sang. Tenté par le charme, abîmé par les flammes. Encore tellement de fleuves à franchir, versé par des drames. Rangé dans des cases, donc prêt à voler dans des sacs. Pour finir dans des cages, à la place de traîner dans des facs. Elle salue tout essentiel, à bousiller des anciens. La tentation, elle t'enseigne à mépriser des gens bien. Elle a souillé 100 000 soulards sous la lune, des braves et grâce au cash. Elle s'est mise sans mêle dans les cils, les sols, les sales, les salauds savent. Je n'ai pas ta vision quand tu me parles des orifices d'une blonde. J'ai du respect pour l'humanité, malgré ce qu'elle engendre. Esclave ou trafic d'enfants, égoïsme et vanité. Mais moi, j'ai courbé les chines devant l'origine du monde. Faut-il y succomber quand tout espoir fout le camp? Elle est possessive et ne connaît pas le partage. Combien ont oublié que l'amour n'est pas un beau moment. La tentation est triste, vide remplit son pactage. Tenté par le charme, abîmé par les flammes. Encore tellement de fleuves à franchir, versé par des drames. Rangé dans des cases, donc prêt à voler dans des sacs. Pour finir dans des cages, à la place de traîner dans des facs. Tenté par le charme, abîmé par les flammes. Encore tellement de fleuves à franchir, versé par des drames. Rangé dans des cases, donc prêt à voler dans des sacs. Pour finir dans des cages, à la place de traîner dans des facs.